Allez, à toi, Yvonne. Oh non, pas moi. Je n'ai pas d'idée. Pourquoi est-ce qu'Yvonne ne veut pas commencer? Parce qu'elle n'a pas d'idée. Mais si, voyons. Mais si, voyons. Ce n'est pas difficile. Tu prends quelqu'un de la famille, n'importe qui, n'importe qui. Attends, je cherche. Voyons. Ça y est, je sais. Il est grand, il a les cheveux gris et courts, il est toujours bronzé. Il est toujours bronzé. Il a bon caractère, il a bon caractère. Il est toujours de bonne humeur, il est toujours de bonne humeur. Il est très généreux. Il fait toujours des cadeaux. Comment est tonton Guillaume? Est-ce qu'il est petit? Non, il est grand. Est-ce qu'il a les cheveux noirs? Non, gris. Il a les cheveux gris. Est-ce qu'il a un mauvais caractère? Non, il a bon caractère. Est-ce qu'il est souvent de mauvaise humeur? Non, il est toujours de bonne humeur. C'est trop facile.